بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc comme nous l'avons mentionné dans la première conférence entre le Maghreb et le Isha, cette conférence, le titre de cette conférence est composé de deux éléments. Le premier élément et le tawhid, et nous avons pu, par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous entretenir autour de ce sujet. Et le deuxième élément, le shirk, donc le polythéisme. Et on entend souvent qu'il ne faut pas faire de shirk, que le shirk est dangereux. Cependant, pour pouvoir s'écarter d'une chose dangereuse, il faut la connaître. L'imam Muslim rapporte, d'après Hudhayfa ibn al-Yaman, qui a dit « Kana ashabu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam » يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر ما خافت أن يدركني. Hudhayfa disait, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam le questionnaient, c'est-à-dire ils questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du bien, et moi je le questionnais au sujet du mal, de peur qu'il ne m'atteigne. Par conséquent, celui qui veut s'écarter du mal, il doit le connaître. Car si il ne connaît pas ce mal, il peut facilement finir par y tomber. Et sachez, barakallahu fikoum, que le shirk, c'est donner un égal à Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ce qui lui est propre. Ça, c'est la définition du shirk. Donner un égal à Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ce qui lui est propre. Et nous avons dit précédemment que celui qui parle dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, se doit de citer des preuves. Et ce qu'il dit doit être basé sur des preuves, c'est-à-dire les preuves du Coran et de la Sunna. Donc lorsque nous disons que le shirk, c'est donner un égal à Allah dans ce qui lui est propre. Est-ce que cette parole est basée sur des preuves? La réponse est oui. La première preuve, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, en parlant des polythéistes, lorsqu'ils seront dans le feu de l'enfer, « Tallahi, in kunna la fi dalalin mubin » إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ils diront par Allah, nous étions dans un égarement manifeste lorsque nous faisions de vous les égaux du Seigneur de l'univers. Donc ça, c'est la première preuve. La deuxième preuve, c'est que, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné. Quel est le péché le plus grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Que tu donnes un égal à Allah alors qu'il t'a créé. Et ça, c'est important de savoir qu'est-ce que le shirk. Car nous avons, dans notre communauté, des gens qui n'ont pas bien compris qu'est-ce que le shirk. Ils vont te dire que le shirk consiste à se prosterner pour une statue. Et ils disent que tant que la personne, si la personne se prosterne pour une statue, alors elle est tombée dans le shirk. Par contre, si elle invoque autre qu'Allah, ou sacrifie pour autre que lui, alors ce n'est pas considéré comme du shirk. Alors que dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit très bien que le shirk, c'est le fait de donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui lui est propre. Et le shirk, c'est le péché le plus grave. C'est le péché le plus grave. Et ce qui nous indique que le shirk est le péché le plus grave et que c'est le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Le seul péché. Regardez tous les péchés. Le mensonge, le colportage, la fornication, etc., etc. Le seul de tous ces péchés qu'Allah ne pardonne pas, c'est le shirk. C'est-à-dire que si une personne fait du shirk et ne se repent pas avant de mourir et meurt sur ce shirk, Allah ne lui pardonne pas. La preuve de cela réside dans la parole d'Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Donc ça nous montre la dangerosité du shirk. Et que le shirk est le péché le plus grave. Tu meurs, par exemple, sur la fornication ou l'a'udhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à son serviteur. Mais si tu meurs sur du shirk, alors le paradis te sera interdit. Allah subhanahu wa ta'ala dit Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ Celui qui est associé à Allah. فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Allah lui interdit le paradis. Son refuge sera l'enfer. Et pour les injustes, point de secoureur. Également, le shirk annule toutes les œuvres. Imaginez-vous quelqu'un qui a passé sa vie dans l'adoration. Jeûne, prière, hajj, umra, petit pèlerinage, sadaqa, bon comportement avec les parents, bon comportement avec les voisins, bienfaisance, etc. Et à la fin de sa vie, il fait du shirk. Toutes ses œuvres s'annulent. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Zumar, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu attribues un associé à Allah, tes œuvres seront vaines et tu seras du nombre des perdants. Également, Ikhwani fillah, le shirk, c'est la plus grande des injustices. La plus grande des injustices, c'est le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna shirka la zulmun azim. Inna shirka la zulmun azim. Le shirk, le polythéisme, est la pire des injustices. Et regardez, subhanallah, parmi les enseignements bénéfiques du Coran, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous mentionne que celui qui fait du shirk a fait une chose insensée. Une chose insensée. Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate Al-Hajj. حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Vouez un culte exclusif à Allah et ne lui associez rien. Car celui qui associe à Allah est semblable à qui? Il dit Azzawajal selon le sens, est semblable à celui qui tombe du ciel et que les oiseaux happent, ou à celui que le vent précipite vers un lieu perdu. Donc le shirk, c'est une chose insensée. Celui qui fait du shirk a certes fait quelque chose d'insensé. Et le shirk se divise en deux catégories. Et lorsque nous disons que le shirk se divise en deux catégories, il y a des preuves à ce sujet. La preuve de cela réside dans le hadith de Mahmoud ibn Labid, qu'Allah l'agré. Et on retrouve ce hadith dans le Mousnad de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce que je crains le plus pour vous, c'est le polythéisme mineur. Et les savants ont dit, s'il y a un polythéisme mineur, forcément il y a un polythéisme majeur. Donc ceci nous montre que le polythéisme se divise en deux catégories. Nous avons le polythéisme majeur et le polythéisme mineur. Et pour comprendre la réalité du shirk, il faut comprendre la définition du polythéisme majeur et du polythéisme mineur. Le polythéisme majeur, c'est toute parole, action, croyance que la législation a nommée comme shirk et qui inclut que la personne sort de l'islam. Toute parole, action, croyance que la législation, c'est-à-dire soit Allah subhanahu wa ta'ala ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a nommé comme shirk et inclut que la personne sort de l'islam. Et là, ikhwani fillah, c'est très important. Car on voit que le shirk peut être dans la parole. Quelqu'un, par exemple, dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est partout. Il peut être dans les actes, comme le fait de vouer une adoration pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez, il peut être aussi dans la croyance. Il peut être aussi dans la croyance. Et on trouve dans cette communauté que certaines personnes vont adorer Allah, c'est-à-dire qu'ils vont jeûner pour Allah, prier pour Allah, donner la zakat pour Allah, mais leur croyance est mauvaise. Leur croyance est mauvaise. Ils vont avoir la conviction que le sorcier connaît l'invisible. Ils vont avoir la conviction que le marabout connaît l'invisible. Il va avoir la conviction que le marabout peut le défendre en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une mauvaise croyance. Et ceci, malheureusement, est du shirk. Et ceci, malheureusement, est du shirk. D'où l'importance d'apprendre qu'est-ce que le shirk. Et apprendre également la réalité du shirk. Donc ça, c'est le shirk majeur. Celui qui se rend coupable du shirk majeur et qu'il ne se repent pas et qu'il meurt dans cet état-là, il ne rentrera jamais au paradis. Il ne rentrera jamais au paradis. Est-ce que vous vous rendez compte? Lorsqu'on dit qu'il ne rentrera jamais au paradis, Normalement, ça doit éveiller les consciences. Ça doit éveiller les consciences. Et Rouhani Fillah, regardez, il y a quelques années, lors de la pandémie du Covid, regardez comment les gens ont pris leurs précautions. Masque, on ne priait pas, c'est-à-dire en rang serré, distance, d'accord? On restait à la maison. Également, beaucoup de musulmans ont fait des recherches sur le Covid. Hein? Les symptômes du Covid, etc., etc. Pourquoi? Car on ne veut pas mourir. Mais là, on parle de rester éternellement en enfer. Walayadou billah, on ne parle pas d'être touché par le Covid, peut-être de rester une semaine cloué au lit, alité, etc. Non, là, on parle de l'enfer éternel. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que ceux qui vont entrer en enfer ne veulent pas y entrer. Et également, qui voudront sortir de l'enfer. Mais est-ce qu'ils pourront sortir de l'enfer? Allah subhanahu wa ta'ala dit. وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْدِ عَلَيْنَا رَبُّكُ. Et ils appelleront Malik, que ton Seigneur nous achève. Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite, قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Malik dira, l'ange de l'enfer, vous allez rester. Pourquoi? Il dit par la suite, écoutez bien, لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. On est venu à vous avec la vérité. Tawhid, adorer Allah seul, délaisser le shirk, délaisser les amulettes, délaisser les gris-gris, délaisser les sorciers, les marabouts, les devins. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُمْ. La plupart d'entre vous détestent la vérité. Ils resteront en enfer. Ils resteront en enfer. Ils ne pourront pas sortir de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Ahzab, يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ. Le jour où on va tourner leur visage en enfer. Cheikh Al-Uthaymin, dans le tafsir de ce verset, nous dit « On va tourner leur visage comme on tourne la viande pour qu'elle cuise. » Quand tu cuis ton steak, d'accord, tu mets ton steak sur la poêle. Il cuit d'un côté et l'autre côté n'est pas cuit. Qu'est-ce que tu fais? Tu le retournes. C'est comme ça qu'on va tourner leur visage en enfer. « Wallahu a'lam. » يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ. Malheur à nous. Ils vont regretter de ne pas avoir obéi à Allah ainsi qu'à son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on est vivant. Aujourd'hui, on entend les rappels. On entend les rappels concernant le tawhid. On a la possibilité de changer les choses. Même celui qui a fait du shirk, il a la possibilité de changer les choses. Il a la possibilité de se repentir. Allah Azzawajal nous appelle tous au repentir. Regardez, subhanallah, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Zuma. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Allah subhanahu wa ta'ala ici s'adresse à ceux qui ont dépassé les limites, qui ont fait beaucoup de péchés. Mais regardez ce qu'il dit. قُلْ يَا عِبَادِي. Dit mes serviteurs. Il les appelle mes serviteurs pour les inviter au repentir. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, il y a At-Tawwab. Il y a At-Tawwab. Celui qui accueille le repentir. Et donc, il veut de nous qu'on revienne vers lui. Donc, même celui qui a fait du shirk, même celui qui a une mauvaise croyance, il peut changer les choses dès aujourd'hui, mais qu'il prenne garde à rester dans cet état. Qu'il prenne garde à rester dans cet état, car il n'y aura pas de marche arrière. Il n'y aura pas de marche arrière possible. Ici, on peut faire marche arrière. On peut faire marche arrière, on peut se dire, je délaisse ce que je fais. Je délaisse cette voie. Cette voie n'est pas bonne. Et je change. Et subhanallah, ceci me rappelle l'histoire d'un grand homme de cette communauté. Et Rouanifillah, le début, ce n'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est sur quoi tu vas mourir. Il y avait un homme au nom de Fudayl ibn Iyad. Quand tu dis ce nom, à beaucoup de gens, ils te disent, Allahu Akbar, ça c'est un grand savant. Mais beaucoup ne savent pas comment il a commencé. Avant, c'était un brigand, un coupeur de route. Il volait, il pillait. Et il était connu pour ça. Dans sa région, c'était connu pour être un coupeur de route. Un pilleur, un voleur, un brigand, tout ce que vous voulez, un malfrat. Un jour, il est tombé amoureux d'une femme. Il a voulu la rejoindre chez elle. Il a escaladé le mur. Lorsqu'il était chez elle, donc il est entré par effraction, il est rentré chez elle, il a entendu une voix. Une personne qui récitait le Coran. Et cette personne était en train de réciter un verset qui dit Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. Il a entendu ce verset. Il a dit le moment est venu au Seigneur. Le moment est venu au Seigneur. Il a fait demi-tour. Ce verset est rentré dans son cœur. Il était venu pour faire un péché. Déjà, il est entré chez quelqu'un par effraction. Ça, c'est interdit. Et puis, il n'était pas marié avec cette femme. Il est venu pour faire un péché. Il a entendu ce verset. Demi-tour. Et c'est Ibn Kathir qui raconte dans cette histoire, dans son livre intitulé « Al-Bidaya wa al-Nihaya ». Ensuite, il est parti dans une petite cabane. Et il s'est mis à réfléchir sur son cas. Les péchés qu'il faisait, etc., etc. Lorsqu'il était en train de réfléchir, il a entendu des gens qui parlaient entre eux. Imaginez-vous, Ya Ikhwa, vous faites beaucoup de péchés. Vous êtes en train de regretter. Ensuite, vous entendez des gens parler sur vous. Il était en train de réfléchir comme ça. Des gens parlaient sur lui et disaient « Non, ne passez pas par ici. Il y a un homme qui s'appelle Fudayl, c'est un grand brigand. » Là, il est là-bas. Il se dit « Mais subhanallah, qu'est-ce que je suis minable. Regardez, même les gens parlent de moi comme ça. » Et il a eu la ferme intention de changer. Il ne s'est pas dit comme beaucoup d'entre nous, « Demain, après-demain, hein, ou quand je vais me marier. » Ou quand je serai majeur, là, il a pris la ferme intention de changer. Et il est sorti auprès de ces gens et il leur a dit, vous n'avez rien à craindre. Et il a pris l'engagement devant Allah subhanahu wa ta'ala de ne plus recommencer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voyagé. Il a fait tawbah, il a voyagé. Il est parti à la Mecque. Il a étudié avec les savants jusqu'à devenir l'un des plus grands savants de l'islam. Regardez Ibn al-Mubarak, qu'est-ce qu'il dit? Ibn al-Mubarak, un imam de cette communauté. Un imam de cette communauté. Un jour, Ibn al-Mubarak était dans une assise, dans une assise de science, et quelqu'un a regardé Ibn al-Mubarak, et c'est comme si il disait, mais il disait, dans quoi il nous a dépassé, lui? C'est quelqu'un comme nous. Il a rapporté des hadiths, on a rapporté des hadiths. Il lit le Coran, nous lisons le Coran. Ensuite, la lumière s'est éteinte. Et à l'époque, ce n'était pas comme maintenant, il y a l'électricité, etc. Avant, c'était des lampes, il y avait un certain système, etc., comme vous le savez. Et donc, c'était tout noir. Un temps, et la personne est partie rallumer la lampe. Et lorsque la lumière est revenue, ils ont regardé Ibn al-Mubarak et sa barbe. Il avait pleuré tellement que sa barbe était mouillée. Et cette personne a dit, c'est dans ça qu'il nous a dépassés. Il se peut qu'il s'est rappelé à quel point il fait noir dans la tombe et il a pleuré. Cette personne-là, Ibn al-Mubarak, a dit de Fudayl ibn Iyad, qui était un grand brigand, après sa mort, ou plutôt il n'y a personne meilleur que Fudayl ibn Iyad après sa mort. Regardez comment il a commencé. Il a commencé comme étant un brigand, etc. Mais à un moment donné, il a vu que c'était trop. C'est pour ça que celui qui fait des péchés, il doit revenir. Il doit se dire, c'est bon, je ne veux pas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec ces péchés-là. Le shirk, ikhwan fillah, c'est dangereux. Le shirk, c'est dangereux. Qui va nous protéger de l'enfer? Ouvre le feu, par exemple. Rentre chez toi, ouvre le gaz, ouvre le feu de la gazinière et je te mets à défi de mettre ta main au-dessus du feu 10 secondes, même 5 secondes, même 2 secondes. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas enlever ta main. Est-ce que vous pensez qu'on peut patienter en enfer? Il faut s'écarter de l'enfer. Et il faut s'écarter des causes qui mènent en enfer. Et l'une des plus grandes causes qui mènent en enfer, c'est le shirk. Ça, c'était concernant le shirk majeur. Ensuite, nous avons le shirk mineur. Les savants l'ont défini comme étant toute parole, action, croyance que la législation a nommée comme shirk et qui n'inclut pas que la personne sort de l'islam. C'est-à-dire que le shirk mineur, c'est très dangereux. Ça peut être une parole. Ça peut être également une action. Ça peut être également une croyance. Une parole, comme ce qu'on entend beaucoup de nos jeunes. Comme le fait de jurer sur autre qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Certains de nos jeunes, par exemple, vont jurer sur la vie de leur mère. Et ceci est grave. C'est quelque chose de courant dans notre communauté. Quelqu'un va dire, je jure sur la vie de ma mère, je jure sur la vie de mon père, je jure sur la vie de mon grand-père. C'est une chose qui est grave. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Man halafa bi ghayrillah, faqad kafara aw ashrak. » Celui qui jure par autre qu'Allah a mécru ou a associé. Également, ça peut être une action et aussi une croyance. Et donc, il faut faire attention. Mais, comme les savants l'ont mentionné, celui qui se rend coupable de cette catégorie ne sort pas de l'islam. Et certains, quand tu leur dis ça, disent « Ouf, alhamdoulillah ». Non, c'est vrai, alhamdoulillah. Mais le shirk mineur n'est qu'une passerelle. Lorsque vous voyez un étang ou une certaine quantité d'eau, c'est plusieurs gouttes qui ont formé cet étang. Goutte après goutte, ça a formé un étang. Donc, on peut commencer par du shirk mineur et ensuite, ça mène au shirk majeur. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Après avoir défini le shirk majeur et mineur, nous allons donner des exemples. De choses qui sont répandues. Parmi les exemples, invoquer autre qu'Allah. Et il n'y a pas de doute que invoquer autre qu'Allah est du shirk majeur. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Certes, les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquez personne avec lui. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit d'invoquer autre que lui. D'invoquer autre que lui. Et on trouve dans notre communauté des gens qui invoquent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on dit certains invoquent autre qu'Allah, certains pensent que les gens vont dire « Oh un tel, oh un tel », mais pas forcément. Nous avons par exemple quelque chose qui est connu. Lorsque la personne va trouver de la difficulté, elle va dire « Oh Sidi Foulen, oh cher Foulen », c'est-à-dire qu'elle invoque cette personne. Et ceci est du shirk. Car si tu dis ça, tu dois dire « Ya Allah ». Même si tu dis « Oh messager d'Allah », c'est du shirk. Pourquoi ? On revient au verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahad » N'invoquez personne avec Allah. Et c'est général. Que ça soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ça soit l'ange Jibril, que ça soit un pieux, que ça soit un pervers, ceci est général. Également parmi les choses qui sont du shirk, le fait de sacrifier pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on retrouve ceci dans notre communauté. Le fait de sacrifier pour autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Surtout, lorsque la personne a pour habitude d'aller chez les sorciers, les devins, les marabouts et autres. Les marabouts sont des grands imposteurs. Les sorciers, les devins sont des grands imposteurs. Et ce sont des grands menteurs. Quand tu vas les voir, ils vont te dire « Moi, je t'aide, fils Abilillah. » Il va peut-être te dire « قال الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. » Il va peut-être te sortir un verset du Coran. Il va te dire « Moi, je t'aide, fils Abilillah. » En vérité, ne t'aide pas, fils Abilillah. Il t'aide contre une contrepartie. Et cette contrepartie, c'est que tu sors de l'islam. C'est pour ça qu'il va te dire « Va sacrifier un poulet. » Va sacrifier un coq, va sacrifier n'importe quoi. Pourquoi ? Pour les chiatines. Et lorsque la personne va sacrifier, c'est à ce moment-là qu'il va l'aider. Pourquoi ? Parce qu'il s'est rapproché des chiatines. Et à ce moment-là, les chiatines vont l'aider. Les chiatines vont l'aider. Et on a par exemple, dans notre communauté, certaines personnes qui vont égorger pour les tombes. Parce que cette personne est pieuse, celle qui est morte, et celle qui se trouve dans la tombe est pieuse, donc fait partie des pieux, donc il va égorger, sacrifier pour ce pieux-là. Et ceci est du shirk. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ala sharika. » Qul, dit au Muhammad, « Inna salati, ma prière, wa nusuki, mon sacrifice, wa mahyaya, ma vie, wa mamati, ma mort, lillahi rabbil alamin, appartient à Allah seul. » Également, parmi les choses qui sont répandues dans notre communauté, nous avons commencé déjà à parler de cela, tout ce qui est en lien avec les amulettes et les gris-gris. Et selon les pays et les régions, on va les appeler d'une manière différente. Par exemple, dans certains pays, on va dire que ce sont des gris-gris. Dans d'autres, en Afrique centrale, dans certains pays, comme au Cameroun ou d'autres, on va appeler ça le blindage. Et dans d'autres pays, on va donner d'autres appellations, mais ça revient à la même chose. Ce sont des choses qu'on va accrocher, que ce soit au poignet, sur le cou ou autre. Et il y a une croyance derrière cela. On va accrocher, par exemple, un gris-gris, d'accord ? Ou bien ce qui est connu dans, par exemple, dans certains pays tels que la manne Fatma ou d'autres choses. Et on va avoir la conviction que cette chose guérit en dehors d'Allah. Ou bien que c'est une cause de guérison. Et tout ceci est du shirk. Je vous renvoie à ce que nous avons dit dans le premier cours, lorsque nous avons défini l'unicité dans la seigneurie, et nous avons dit que c'est unifier Allah par ses actions. C'est-à-dire avoir la conviction que seul Allah crée, seul Allah donne la vie, également seul Allah guérit. Donc tu mets une main de Fatma, tu mets n'importe quoi, en ayant la conviction que cette chose guérit en dehors d'Allah. Tu as attribué quelque chose de la seigneurie à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une chose qui est très grave. C'est une chose qui est très grave. Et c'est une chose qui est répandue. C'est pour cela qu'il faut apprendre ces sujets-là. Pour ne pas tomber dans ces sujets-là. Pour pouvoir se prémunir. Et l'une des meilleures armes, c'est l'apprentissage. Une des meilleures armes, c'est l'apprentissage. Avec l'apprentissage de la science et également avec la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah nous donne le discernement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Anfal, « Ya ayyuhalladhina amanu, in tattaqullah, yaj'al lakum furqana. » Ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, Allah vous donne le discernement. Et je rappelle, et je finirai cette conférence sur ce point, je rappelle que l'étude de la science est une obligation pour chaque musulman et musulmane. Il a été rapporté dans le hadith de Anas ibn Malik que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Talabul ilm faridatun ala kulli muslim » L'étude de la science, est une obligation qui incombe à tout musulman. Et vous vous rappelez la question que nous avons reçue après la première conférence. Une personne qui étudie la religion auprès d'un individu qui renie les attributs d'Allah et notamment l'attribut de l'établissement. Donc vous voyez que cette science-là est une obligation. C'est-à-dire, c'est une obligation d'apprendre cette science, mais c'est une obligation d'apprendre cette science chez les gens de confiance. Chez les gens de confiance. Ceux qui suivent le Coran et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est une obligation. Cette science est une religion. Regardez de qui vous prenez votre religion. N'exposez pas votre religion à n'importe qui. Ne prêtez pas l'oreille à n'importe qui. On ne serait pas capable de donner notre corps à n'importe qui si on est malade. Alors, ne prêtons pas l'oreille à n'importe qui. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk.